Chapitre 6e. Alors était venue une période tellement heureuse que Chips, quand il se la remémorait longtemps après, pouvait à peine croire que la pareille eût jamais existé auparavant ou depuis en ce bas monde. Car son mariage avait eu un succès triomphal. Catherine conquit Brookfield comme elle avait conquis Chips. Elle jouissait d'une prodigieuse popularité, aussi bien parmi les élèves que parmi les professeurs. Les femmes de ceux-ci elles-mêmes, tout d'abord tentées de jalouser une personne si jeune et si délicieuse, n'avaient pu résister longtemps à son charme. Mais le plus remarquable, ce fut le changement qu'elle provoqua chez Chips. Jusqu'à son mariage, il avait été un personnage sec et plutôt indifférent, aimé et bien vu de Brookfield en général, mais il ne s'était pas révélé comme une de ces natures qui forcent la popularité ou conquièrent de profondes affections. Il était à Brookfield depuis un quart de siècle, assez longtemps pour s'assurer la réputation d'un brave homme et d'un grand travailleur, mais juste trop longtemps pour que personne ne le crût capable de jamais devenir quelque chose de plus. Il avait en somme commencé à s'enliser dans cette pédagogie qui va se desséchant de jour en jour et qui est la pire et suprême fosse où sombre la profession. Le fait de donner le même enseignement d'une année sur l'autre avait eu pour effet une routine dans laquelle les autres épisodes de sa vie s'inséraient avec une aisance trompeuse. Il travaillait beaucoup, il était consciencieux, c'était un organe fixe qui rendait les services, donnait satisfaction, inspirait confiance, seulement il n'éveillait pas les esprits. Et puis était survenue cette étonnante femme-enfant à laquelle personne ne s'était attendu, et Chips moins que quiconque. Elle avait fait de lui, sous tous les rapports, un homme nouveau, et pourtant cette nouveauté consistait en réalité à faire éclore et s'épanouir des qualités qui étaient anciennes, emprisonnées, insoupçonnées. Ses yeux prirent de l'éclat, son esprit, doué de façon suffisante, sinon brillante, commença à s'aventurer plus hardiment. L'unique supériorité qu'il eût jamais possédée, son sens de l'humour, s'épanouit avec une richesse soudaine à laquelle son âge donnait quelque chose de mûr. Il se mit à se sentir plein de vigueur, sa discipline fit de tels progrès qu'elle put se faire en un sens moins rigoureuse et il devint plus sympathique à tous. Quand il était arrivé à Brookfield, il s'était donné pour but d'être aimé, honoré et obéi, en tout cas obéi. Il s'était assuré l'obéissance et on lui avait accordé du respect, mais l'affection, c'était à présent seulement qu'elle lui venait. L'affection soudaine de jeune garçon pour un homme bon sans être faible, qui le comprenait juste assez mais pas trop, et dont le bonheur personnel l'associait au leur. Il se mit à faire de petites plaisanteries, de celles qui plaisent aux collégiens, moyens mnémoniques et jeux de mots qui provoquaient le rire et en même temps gravaient quelque chose dans l'esprit. Il y en avait un qui ne manquait jamais son effet et pourtant ce n'était qu'un échantillon parmi beaucoup d'autres. Toutes les fois que dans son cours d'histoire romaine, il en arrivait à parler de la loi Canuleia, celle qui autorisa les mariages entre patriciens et plébéiens, Chips ajoutait régulièrement. De sorte que vous comprenez, si Mademoiselle Plebs voulait se faire épouser par Monsieur Patricien, et que celle-ci lui déclara qu'il ne pouvait pas, elle répliquait probablement « Ou si vous pouvez, menteur que vous êtes !» Bruyants éclats de rire. Dans le texte, « Menteur que vous êtes », c'est « You can, you're liar ». La prononciation de ces trois mots est très voisine de la prononciation anglaise du mot latin « canuleia ». Cathy lui donna aussi des idées et des opinions plus larges, en lui ouvrant des perspectives qui allaient bien plus loin que les toits et les tourelles de Brookfield, si bien qu'il considéra son pays comme une contrée considérable et gracieuse, dont Brookfield n'était qu'un des affluents nourriciers parmi beaucoup d'autres. Elle avait une intelligence plus développée que lui, et il n'était pas capable de réfuter ses idées, même quand il ne les partageait pas. Il restait, par exemple, conservateur en politique, en dépit de toutes les théories radicales socialistes de sa femme. Mais même quand il ne les acceptait pas, il s'en imprégnait, et le jeune idéalisme de Catherine agissait sur sa maturité, de manière à former un amalgame plein de douceur et de sagesse. Elle le persuadait quelquefois complètement. Par exemple, Brookfield entretenait dans un pauvre faubourg de l'est de Londres une école pour laquelle parents et élèves versaient des contributions généreuses, mais avec laquelle il n'avait que rarement des relations personnelles. Ce fut Catherine qui suggéra qu'une équipe de cette école devrait venir disputer un match de football association contre un des 11 de Brookfield. C'était une idée si révolutionnaire que, venant de tout autre que Catherine, elle n'aurait pu survivre au premier accueil glacial qu'on lui fit. Introduire un groupe de garçons des quartiers les plus pauvres sur les paisibles terrains de jeu des enfants des classes aisées, cela semblait, à première vue, vouloir follement remuer toutes sortes de questions auxquelles il était préférable de ne pas toucher. Tout le personnel enseignant y était opposé, et les élèves eux-mêmes, si on avait pu prendre leurs avis, n'auraient pas été moins hostiles à ce projet. Tout le monde était persuadé que les garçons de l'East End seraient des voyous ou alors qu'ils se sentiraient mal à l'aise. En tout cas, il y aurait des incidents et tout le monde serait gêné et troublé. Néanmoins, Catherine insista. « Chips, disait-elle, ils ont tort, vous savez, c'est moi qui ai raison. Moi, je tourne les yeux vers l'avenir. Eux et vous, vous considérez le passé. L'Angleterre ne sera pas toujours divisée entre officiers et hommes du rang. Et ces jeunes plébéiens ont exactement autant de valeur pour l'Angleterre que Brookfield. Il faut les recevoir, Chips. On ne peut pas avoir la conscience tranquille en signant un chèque de quelques guinées et en tenant ces garçons à distance. D'ailleurs, ils sont fiers de Brookfield, exactement comme vous. Dans quelques années peut-être, des garçons de ce genre entreront ici, comme élèves, un petit nombre d'entre eux en tout cas. Et pourquoi pas? Pourquoi jamais? Chips, mon chéri, n'oublie pas que nous sommes en 1897 et non pas en 67, à l'époque où vous étiez à Cambridge. » À la si vive surprise de sa femme, il céda et se fit brusquement l'ardent défenseur du projet. Sa volte-face fut si complète que les autorités, prises au dépourvu, consentirent à faire ces dangereuses expériences. Les représentants de l'école de Poplar arrivèrent un samedi après-midi, jouèrent une partie de football association contre la seconde équipe de Brookfield, furent honorablement battus par 7-5, et ensuite prirent un thé dînatoire avec leur vainqueur dans le grand réfectoire. Présentés enfin au directeur, on leur fit visiter toute l'école, et dans la soirée, Chips les conduisit à la gare. Tout s'était passé le mieux du monde, sans la moindre anicroche, et il était évident que les visiteurs emportaient une impression aussi bonne que celle qu'ils avaient laissée derrière eux. Ils emportaient aussi le souvenir d'une charmante femme qui était venue les voir et causer avec eux. Un jour, en effet, bien des années après, un simple soldat, séjournant dans un camp militaire aux environs de Brookfield, va voir Chips et lui dit qu'il avait fait partie de cette première équipe de joueurs venus pour le match. Chips lui offrit le thé et bavarda avec lui, si bien que finalement, en lui serrant la main pour prendre congé, l'homme lui dit « Et comment va madame, monsieur ? Je me souviens très bien d'elle. Vraiment ? » répondit vivement Chips. « Vous voilà rappelé ? Certes, tout le monde, je pense, doit faire comme moi. » « Mon Dieu, non !» répliqua Chips. « Du moins pas ici. Les élèves vont et viennent. Ce sont continuellement de nouvelles figures. Les souvenirs ne durent pas. Les professeurs eux-mêmes ne restent pas toujours. Depuis l'année dernière, où le vieux Grimble est parti, c'était le sommelier de l'école. Il n'y a plus personne ici qui ait connu ma femme. C'est que, voyez-vous, elle est morte moins d'un an après votre visite en 98. Je suis désolé de l'apprendre, monsieur. En tout cas, il y a deux ou trois de mes camarades qui se souviennent d'elle très nettement. Et pourtant, nous ne l'avons vue que cette fois-là. Oh oui, nous nous la rappelons fort bien. J'en suis très heureux. Ça a été une magnifique journée pour nous tous et une belle partie. Un mois après environ, Chips apprit que ce jeune homme avait été tué à Passchendaele.